bienvenue dans ce numéro pilote de 82 BPM. Alors pour commencer, je me présente, je suis Yannick Doc et c'est mes premiers pas dans le monde du podcast. Enfin du côté podcasteur, j'en écoute beaucoup, j'ai déjà participé à plusieurs émissions, mais là c'est la première fois que je me lance. J'avais envie de l'essayer depuis un moment et on verra bien ce que ça donne. Bon, je vous explique l'idée de ce podcast. Vous allez voir, c'est vachement compliqué. Je vais prendre un morceau que j'aime, tant qu'à faire, autant commencer avec des chansons que j'aime. Et je vais vous raconter un peu les dessous du morceau, faire un petit historique, comment le morceau est né, son écriture, l'inspiration, je sais pas, ça peut aussi être le contexte politique, des petites anecdotes. Enfin, vous voyez l'idée quoi, enfin, j'espère. Pour cette première, j'ai choisi le morceau Where is my mind des Pixies. Désolé pour mon anglais. C'est un de mes morceaux préférés, du coup, ça n'a pas été trop compliqué à choisir. Sur le groupe en lui-même. Ils viennent de Boston, ils sont formés en 86, séparés en 93. L'épopée a été relativement courte du coup. Mais ils n'ont pas chômé pour autant, car durant ce laps de temps, ils ont sorti 4 albums. Depuis, ils se sont reformés en 2004, et ils ont sorti un nouvel album en 2014. Ils sont considérés comme des pionniers du rock alternatif, et ils ont inspiré pas mal de groupes. Mais ils n'ont pas eu cette reconnaissance immédiatement. Elle est arrivée bien après la séparation du groupe. On retrouve dans des interviews par exemple U2 qui les considère comme un des plus grands groupes de l'histoire. Thom Yorke, le chanteur des Radiohead, les compare aux Beatles. Et il y a Kurt Cobain aussi qui raconte qu'au début de Nirvana, ils cherchaient juste à reproduire le son des Pixies. Donc ils ont une belle reconnaissance de leur père. Revenons sur Where is my mind. C'est un des morceaux les plus connus du groupe, hein, si ce n'est le plus connu. Il a en partie acquis cette notoriété grâce au film Fight Club de David Fincher, et avec Edward Norton et Brad Pitt, sorti en 99. Où il sert à la scène finale et au générique de fin. Alors même si le morceau colle parfaitement au film, il date pas du tout de cette époque, mais d'une dizaine d'années avant. En fait, il est sorti sur le premier album des Pixies, Surfer Rosa, en 1988. Eh oui, la même année que ça. Il a été écrit par Black Francis, auteur, compositeur, interprète et guitariste du groupe. La légende raconte que les paroles lui ont été inspirées par une séance de plongée aux Caraïbes, où un petit poisson l'a suivi pendant sa session. Bon, on va pas se le cacher, mais il avait sans doute pas fumé que de la cigarette. Et un peu après ça, il est chez lui en train de composer et il y a sa femme qui est dans la salle de bain. Enfin, ça c'est toujours selon la légende. Elle est en train de se maquiller, il fredonne des trucs, et sa femme elle passe la tête par la porte et elle lui dit « Ouais, tu tiens quelque chose, ça sonne bien. Ouais, continue quoi, il y a quelque chose dans ton idée quoi. » Du coup, bah, qu'une personne extérieure trouve tout de suite que les paroles sonnent bien, bah, ça l'a motivé et il a peaufiné son truc et bon après... Il n'y a pas 150 000 paroles dans la chanson. Du coup, ça a été assez rapide. Et il appelle le guitariste du groupe, Joey Santiago, qui, toujours selon la légende, aurait lu le morceau et trouvé la ligne de guitare en un claquement de doigts. Pardon, ça a peut-être défoncé vos oreilles, ça. Enfin, c'est des génies, quoi. Et sans doute un peu de drogue. Après, niveau paroles, faut pas trop analyser. Si on traduit un peu le cœur du couplet, ça donne des trucs étranges. Alors, des animaux se cachaient derrière les rochers, excepté le petit poisson, mais il me dit que l'est est à l'ouest, et essaie de pleurer. Où ai-je la tête? Où ai-je la tête? Où ai-je mon esprit? Bon, ok, on accepte. Hein, en anglais, ça sonne bien. On va pas aller plus loin. Les Pixies aiment bien prendre les choses à contre-pied et à dénaturer leur idée de base. Du coup, ça donne des paroles pas très cohérentes, hein, on l'a bien vu. Mais c'est un peu la signature du groupe sur leur premier album. Du coup, ben, c'est cohérent dans l'ensemble. Du coup, ben, l'incohérence devient cohérente. Vous me suivez? Le succès de cette chanson fait que depuis les années 2000, le morceau a été repris maintes et maintes fois. Une des plus connues est celle de Placebo, qui clôturait tous ses concerts avec. Il y a aussi une version de James Blunt, de Nada Surf, de Kings of Leon. Il y a aussi Mickey Chance qui a sorti une version en fin d'année 2015. Pour expliquer un peu ce succès, Black Francis dit que cette chanson est likeable. Alors je saurais pas trop traduire. Si on regarde Reverso, ça voudrait dire sympathique, attachante. Mais moi je suis pas trop d'accord, je dirais plutôt enivrante, envoûtante. En fait c'est un truc qui reste dans la tête, mais ça dérange pas de l'avoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, on est arrivé à la fin de cette première, à peu près 5 minutes, c'est pas mal. Alors en espérant que ça vous ait plu, et si vous avez des choses à me conseiller, des choses à me dire, si j'ai dit des grosses bêtises, n'hésitez pas à me contacter sur mon Twitter, @YannickDoc, YA2NICKDOC. A bientôt. try.